そう。 おう、はい、はい。La notte non parlo, sono strafatto. Io sono nel contratto e non firmo contratti. Giallino è natato, parla alla cazzo, torna dallo spazio, appena atterrato. Jet lag di qualche era, tu qualche ora. Presto il mio culo su un Panamera. Da quando Konami e Conan rubavo al Conaz. Li sputa palline in zona, in piazzetta a fare casino. Andavo in giro a cercare risposte un chilo e sono finito. Vendere a tutta la zona, troia questa quanto è buona. Sono i paraggi, fai meno la loca. Ho meno la loca, i nemici nel mirino, wow. Nei suoi leggings passa il Nino, wow. Sembro lui, faccio il figo, wow. Non ti ascolto te Camito, wow. Mi diverto a ogni show. Torno dal Messico come blow. Bici su techno, si credono retro. La technologie c'est bien sa pète. Sans cash on décline ta requête. Si je fais ça j'attends que la recette. L'arsenal est simple d'accès. T'as pu t'abonner au site d'action. Elle essaye de nous contacter. On sait qu'elle se touche sur tous nos sons. Et que sa chatte est simple d'accès. Et que sa chatte est simple d'accès. Sa chatte est simple d'accès. Sa chatte est simple d'accès. Sa chatte est simple d'accès. Simple d'accès. La trappe mon truc, fais un truc on le troque. Une faille on croque, on tient le paf tu craques. On veut les larrer le paquet, lui on met le paquet. Les codes la clé j'ai l'accès, change de but quand je suis lassé. Tu parles nous on l'a fait, sur mon terre couleur café. On a taffé oui taffé, taffé oui TC. Pour acheter Giuseppe, mini roule l'épée. Les petits sont des terres. Enchaîne les TP. Tu baises, on baise. Arrête-nous si tu peux. J'ai la lune, la bebe. La purple, la bubble. La purple, la bubble. Et des keb, j'en veux double. Et des keb, j'en veux double. Ouais, des keb, j'en veux double. La technologie, c'est bien sa pète. Sans cash, on décline ta requête. Si je fais ça, j'attends que la recette. L'arsenal est simple d'accès, t'as pu t'abonner au site d'action. Elle essaye de nous contacter, on sait qu'elle se touche sur tous nos sons. Et que sa chatte est simple d'accès. Et que sa chatte est simple d'accès. Sa chatte est simple d'accès. Sa chatte est simple d'accès. Sa chatte est simple d'accès. Simple d'accès.